Chapitre 30e. Le lendemain matin, Jason demanda à son père un congé exceptionnel. J'aimerais prendre un mois, papa. Est-ce trop te demander? Quoique, si tu as vraiment besoin de moi à la banque, je t'en donne deux, mon fils. Mais fais bien attention à toi. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive un autre problème et que tu retombes dans une dépression dont tu aurais le plus grand mal à te sortir. Je suis certain que cela n'arrivera pas. 2 mois, je n'en reviens pas. Pourquoi te montres-tu si généreux? J'aimerais que vous fassiez plus ample connaissance avant de penser au mariage, par exemple. Et pour ce faire, il faut passer du temps ensemble. Ah oui, mais 2 mois. Tu m'étonneras toujours, papa. J'ai bien fait de croire en tes paroles. Tu te souviens? Tout peut toujours s'arranger. Oui, mais franchement, je ne croyais pas en votre histoire. C'était tellement difficile, voire impossible. La vie nous réserve de mauvaises choses, mais aussi des bonnes, heureusement. Il a fallu du temps, mais j'avais confiance. C'était comme si nous nous étions déjà rencontrés, peut-être dans une vie antérieure. Tu fais mon admiration et ma fierté, Jason. Ne l'oublie jamais, mon fils. Je le sais, papa, et à ce propos, je voulais te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. J'ai pu compter sur tes épaules solides pour me tirer de plusieurs mauvais pas. Ensuite, tu m'as fait confiance en me donnant un poste important dans ta banque. Je voulais que tu saches à quel point je t'en suis reconnaissant. Allons, pas de sentimentalisme, répondit Robert, les yeux humides d'émotion. Sois heureux, c'est tout ce que je demande. Je voudrais bien aussi la rencontrer, cette jeune femme qui a su si bien prendre le cœur et l'âme de mon fils. Je le ferai, père, mais on décidera de l'instant propice. Bien, si tu le permets, je file. J'ai un rendez-vous important. Va, dépêche-toi, on ne fait pas attendre la femme de sa vie. Il arriva à l'aéroport 2 heures en avance sur son rendez-vous. Il voulait la voir arriver. Mais elle vint en avance, elle aussi, et à peine la voiture garée, ils se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre. Mon amour, mon âme, tu es venu. Nous avions rendez-vous, si je ne me trompe. Oui, mais j'avais si peur que je ne vienne pas. Jason, tu as tort de penser cela. Je n'aurais pas pu me passer de toi une seule seconde de plus. Serre-moi fort et embrasse-moi par pitié. À vos ordres, madame. Ce maudit appartement est bien trop loin d'ici. J'aimerais te faire l'amour tout de suite. Pas si vite, mon preux chevalier. Il y a bien trop de monde ici, tu ne crois pas? Du monde? Où ça? Jason l'entraîna vers sa voiture et en 10 minutes, ils se retrouvèrent à l'appartement, loin des regards indiscrets. Du moins, le crurent-ils. À peine la porte refermée que, tout contre le mur, il s'empressa de montrer à la jeune femme la puissance de son désir. Un éclat de rire le mit brutalement fin à leur étreinte. Oh non, pas lui. Il n'aurait tout de même pas osé. Rougissante, Marina lui demanda de qui il s'agissait. Mais de mon frère jumeau, Jérémy, bien sûr. Je te croyais au travail, toi. Que fais-tu donc encore à traîner ici? J'espère que tu vas déguerpir en vitesse ou de gré ou de force, je te ferai passer l'envie de rester. Tu ne ferais jamais ça, j'en suis sûr. Ne me tente pas, Jérémy, reprit Jason plus sérieux que jamais. J'aimerais que pour une fois tu te montres poli et que tu me présentes. Viens, mon âme, puisqu'il faut en passer par là pour avoir la paix. Marina, je te présente Jérémy. Et maintenant, au revoir, mon cher frère. Mais attends une minute. Nous n'avons pas encore vraiment fait connaissance. Laisse-nous au moins le temps de nous saluer. Jérémy, rugit Jason, si dans 2 minutes tu es encore là, je sens que je vais. J'ai été enchantée de faire votre connaissance, Marina. Mais je dois vous laisser, le travail m'attend, moi, pas comme lui, le vénard. Et puis il est un peu nerveux, je ne veux pas le mettre de mauvaise humeur. J'espère vous revoir bientôt et pouvoir discuter un peu plus longtemps avec vous. Jason prit son frère par les épaules, lui mit sa veste sur les bras, ouvrit la porte, poussa Jérémy sur le palier et referma brusquement le battant qu'il verrouilla. Quelle ressemblance parfaite! S'écria Marina interloquée. Certes, mais je suis celui que tu aimes, n'est-ce pas? Je t'en supplie, ne l'oublie jamais. Leur amour semblait si grand, si parfait, que bien souvent ils perdaient toute notion du temps. Il devait être à peu près 20 heures ce soir-là lorsque Robert rentra avec ses deux fils. Quelle journée! Je suis positivement éreinté, fit Robert. Je crois, papa, répliqua Jérémy, que tu en fais un peu trop. C'est vrai que tu n'as pas bonne mine. Enfin, quelqu'un qui est du même avis que moi, se dérida Mike. Je le lui ai dit ce matin qu'il devrait prendre quelques vacances. Ce ne serait pas volé. Qui donc pourrait l'en convaincre? Jason, peut-être. Allons lui en toucher un mot, si bien sûr il est visible. Je vous interdis de déranger votre frère. Après tout ce qu'il a subi, il est en droit d'avoir la paix et d'être enfin heureux. Oh, la jolie Madame Leroy doit être rentrée. De toute façon, il va bien falloir qu'il mange. Bon, je n'en ai pas pour longtemps. Je vais juste lui demander conseil. Jérémie, sans attendre la réponse de son père, ne daignant même pas frapper à la porte, s'engouffra dans la chambre de son frère. Là, endormis dans les bras l'un de l'autre, le couple reposait paisiblement. Jérémie regarda son frère, puis son regard se posa sur la jeune femme. Alanguie, une main sur la poitrine du jeune homme, un léger sourire aux lèvres, elle ressemblait à une madone. Mais, pensa Jérémie, je deviens fou. C'est la femme de mon frère. Pourtant, malgré cela, il sentit monter en lui, du plus profond de son être, un tendre sentiment. Faisant demi-tour, il alla directement s'enfermer dans la salle de bain. Devant le lavabo, après s'être passé de l'eau froide sur le visage, il leva les yeux et croisa son propre reflet dans le miroir. Ce qu'il y vit le fit frissonner. Un gémissement sortit de sa gorge. Non, ce n'est pas possible, pas moi. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Pourquoi maintenant? Et surtout pourquoi Marina? Le dernier mot sortit en un souffle de sa bouche. Il se cogna à la porte et s'enferma à double tour dans sa chambre. Il ne pouvait décemment pas, dans cet état, passer à table. Il devait se ressaisir. Après tout, peut-être que lui aussi devrait prendre quelques vacances. C'est cela, il devait être épuisé. La fatigue jouait parfois de drôles de tours. Il mit en marche sa chaîne stéréo et s'allongea sur son lit. Qu'avait-elle, cette femme? Elle n'était certes pas un top modèle, mais quand même, elle avait du charme. Elle n'était pas de prime jeunesse, elle était même un peu enrobée. Qu'avait donc pu lui trouver Jason? Ses yeux? Oui, les yeux étaient splendides, pleins d'intelligence et... Assez, cela suffit. On ne base pas une relation sur un regard. Alors quoi? Il faut arrêter cela et tout de suite. Ce serait monstrueux d'aller plus loin. C'était son frère, son double, son jumeau. Voilà l'explication. Peut-être que leur personnalité semblable était attirée par ce genre de femme. Il se déshabilla et passa le bas d'un pyjama en satin. Puis il prit ses affaires de toilette et se dirigea vers la salle de bain. Une bonne douche, rien de tel pour revenir sur terre. Ouvrant la porte de la salle d'eau pleine de vapeur, il allait faire demi-tour, pensant qu'un de ses frères ou même son père l'occupait, quand, à travers les vitres opaques, se profila une silhouette indubitablement féminine. Il resta là, sans être même capable de bouger. Il ne voyait qu'une vague forme, mais il savait qui était sous cette douche. Il imagina rien qu'un instant qu'il entrait lui aussi dans cette cabine de bain. Il ne lui laisserait même pas le temps de le regarder. Il l'embrasserait, la caresserait, la... Secouant la tête, il gémit. Mais que m'arrive-t-il? Il faut que j'arrête. J'affabule. Cela devient très grave. Demain, je demande un congé et je pars le plus loin possible pendant un mois. Oui, il faudra au moins ça pour me remettre les idées en place. Il se précipita à la cuisine, prit un verre, quelques glaçons et se servit une vodka bien tassée. Après quelques gorgées, il sentit le feu de l'alcool lui réchauffer tout le corps. Mais était-ce vraiment les effets de l'alcool? Jason rentra à son tour, une serviette autour de la taille, lui donnant une grande tape dans le dos. Alors, frangin, ça va? Moi? Oui, ça va. Je pense prendre quelques jours de repos. Tu n'as pas l'air très en forme, tu sais. J'ai trouvé le secret, d'abord. Trouve-toi la femme de ta vie et... Oh, ça va, écoute. Je n'ai pas très envie d'entendre ce genre d'ineptie en ce moment. Je te laisse, à tout à l'heure. Tu dînes ici? Jérémie soupira. Jason, sortant de la cuisine, laissa voir son dos zébré de marques d'amour. Jérémie soupira de nouveau plus profondément. Il fallait vraiment qu'il s'éloigne quelque temps. Son père avait décidé de partir lui aussi. Pourquoi ne l'accompagnerait-il pas? Il alla directement lui en parler. Il ne revit Jason et Marina que lorsque ce dernier la raccompagna. Et bien qu'il leur souhaitât une bonne nuit, il ne laissa plus aucune parole sortir de ses lèvres serrées. Tu as raison de partir un peu aussi, mon garçon. Je vois que tu es aussi fatigué que moi. Après tout, il n'y a pas que le travail dans la vie. Nous devrions aller dans notre propriété d'Honfleur. Elle ne sert pratiquement plus depuis des années. Nous pourrions profiter de la piscine intérieure que j'ai fait construire. Cela ne pourra que nous faire du bien. Je vais finir de régler les affaires en cours cette semaine et nous pourrons y partir dès ce week-end. Qu'en penses-tu, Jérémy? Ton oncle Richard vient de m'appeler. Il nous y rejoindra également. Hein? Ah oh oui, c'est une excellente idée. Ainsi fut fait.